dire, la journée mondiale du don d'organes et de la greffe, l'occasion pour nous de faire le point sur les avancées dans ce domaine. Si les greffes d'organes sont aujourd'hui un processus maîtrisé, la recherche progresse rapidement sur les greffes dites de tissus composites, greffes de membres, de visages, ainsi que sur les problématiques liées au traitement d'immunosuppression, des traitements lourds que les personnes greffées doivent prendre tout au long de leur vie pour éviter un rejet. Alors qu'un chirurgien très controversé prétend pouvoir réaliser une greffe de corps d'ici la fin de l'année, jusqu'où peut-on aller dans les allogreffes ? Greffe, peut-on tout remplacer ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et faire le point sur les avancées, je le disais à l'instant, de la recherche dans le domaine des greffes et des transplantations, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux des plus grands spécialistes français. Laurent Lantieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur du service de chirurgie reconstructrice et esthétique de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. C'est vous et vos équipes qui avez réalisé la première greffe totale du visage en France en juin 2010. Bonjour Ram Gazarian. Bonjour. Vous êtes chirurgien de la main pour les enfants et les adultes. Vous exercez à Lyon, dans le public et le privé, dans les hôpitaux de Lyon et à la clinique du Parc où vous dirigez l'équipe de transplantation chirurgicale. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi ce partenariat public-privé est important dans le secteur de la greffe et de la transplantation. Vous pouvez suivre évidemment cette émission comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors nous allons principalement parler aujourd'hui des greffes dites complexes, ce qui est une forme d'abus de langage parce que toute greffe est évidemment a priori complexe. Mais d'abord, avant d'aborder votre spécialité, à savoir les greffes de tissus composites, je vous propose peut-être de faire un rapide tour d'horizon des avancées en termes de greffes d'organes. Aujourd'hui, est-ce que ce sont des techniques que l'on peut dire complètement éprouvées, Laurent Lantieri ? Vous voulez dire les techniques de tissus composites ou non, les techniques de tissus de monotissus d'organes. Les greffes d'organes, on peut pas dire que ça soit tout à fait éprouvé. On a toujours le même problème pour les greffes depuis l'origine, c'est les problèmes d'immunologie, les problèmes de rejet. Et un des problèmes que l'on a en particulier sur la greffe rénale, où il y a une demande très importante, c'est que un greffon aujourd'hui, même s'il est dans les meilleures conditions, va avoir une durée de vie limitée. Et une durée de vie limitée fait qu'un patient peut nécessiter une ou deux ou trois greffes. Et c'est là où se pose le problème entre l'inadéquation entre le nombre de donneurs et le nombre de receveurs. Le vrai problème aujourd'hui reste malgré tout l'immunologie, les rejets que l'on peut avoir, même s'il y a des formidables progrès qui ont été faits ces dernières années. Et on évoquera tout à l'heure ces progrès faits en matière d'immunosuppression. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Ram Gazarian, qu'il reste des organes qui résistent à la transplantation ? On parle d'organes, on ne parle pas de tissus complexes encore. Le domaine le plus récent dans la greffe dite d'organes, c'est la greffe d'utérus, qui rentre encore dans ce qu'on appelle les tissus composites. On appelle un tissu composite un tissu, une unité anatomique, composée de plusieurs tissus différents, à la différence d'un organe tel que le cœur ou tel que le foie ou le rein. Pour rebondir sur la durée de vie des greffons, en matière de greffe de rein, la demi-vie d'une greffe de rein, c'est-à-dire la durée après laquelle 50% des greffons ne fonctionnent plus, c'est environ 13 ans. Si bien que cette question-là, qui est la durée de vie du greffon, et pourquoi est-ce que cette durée de vie est limitée, on y reviendra, pose un problème dans l'histoire du patient qui peut avoir besoin au cours de sa vie de plusieurs greffons. On peut ajouter peut-être ici, pour informer les lecteurs, l'auditeur, que tout à fait. La perte du greffon, ce qu'on appelle la maladie vasculaire du greffon, relève de l'effort que fait l'organisme, malgré l'immunosuppression, à rejeter un corps étranger, en réalité. un mot aussi sur le recul justement sur ces par rapport aux premières transplantations en dehors de cette problématique du rejet du greffon. Ces rejets aujourd'hui on connaît toutes les mécaniques physiologiques et biologiques qui sont à l'œuvre et qui conduisent à ces rejets de greffon. Laurent Lantieri. Non, on ne connaît pas tout sur les problèmes de rejet. Dans le rejet, vous avez d'abord le rejet qu'on appelle hyper aigu. C'est le rejet qui est lié aux patients qui sont sensibilisés. Et ça, on a découvert par exemple que les grands brûlés, qui étaient probablement une des populations les plus intéressantes pour faire ces greffes au niveau des greffes de visage, ces grands brûlés avaient reçu des tas de traitements auparavant, et on trouve des greffes de cadavres, et étaient sensibilisés, et il fallait des traitements extrêmement importants pour éviter qu'ils ne rejettent de manière hyper aiguë dans les heures qui suivent la transplantation. Ensuite, vous avez le rejet aigu qui est un phénomène normal, c'est-à-dire que vous avez un corps étranger, le corps dit « bah, on va le rejeter ». Et puis, vous avez ce rejet chronique, qui est un phénomène qui n'est pas encore tout à fait connu. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce que l'on sait, par contre, c'est les résultats de ce rejet chronique. Ce sont les vaisseaux. Les vaisseaux qui, petit à petit, vont se sténuer, vont se rétrécir. Il y a une inflammation chronique des vaisseaux. Et donc, ces vaisseaux, petit à petit, se réduisent. Il y a de moins en moins de sang. Une fibrose s'installe dans les organes. Les organes deviennent non fonctionnels. Et c'est vrai pour toutes les greffes. Au début des greffes de tissus composites, on pensait qu'on était les plus forts et qu'on n'aurait pas ça dans notre histoire. Nous avons l'histoire aussi bien dans les greffes de face que dans les greffes de main. Et aussi, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que une histoire qui commence très bien, avec une greffe qui se passe très très bien, avec une immunologie parfaite, peut se terminer avec un rejet chronique sans qu'on comprenne pourquoi. Et d'autres pour lesquels il y a eu des situations difficiles, moi j'ai mes patients qui aujourd'hui est en Espagne et qui est sur Facebook tellement il va bien, a eu un début extrêmement difficile en termes d'immunologie. Et donc il y a encore beaucoup beaucoup d'inconnus en termes d'immunologie à court terme et à long terme. Alors avant de dire un mot justement sur l'immunologie à grands traits, sur les progrès qui ont été faits, je vous propose d'écouter une archive qui sont toujours un peu éclairantes sur les progrès et les avancées de la médecine. En l'occurrence, c'est une archive qui date de 1969 sur les premières transplantations cardiaques. Écoutez. Une première mondiale en matière de chirurgie a été réalisée par une équipe internationale composée de spécialistes en microchirurgie, orthopédie et chirurgie de transplantation. L'opération a consisté à implanter la main d'une personne décédée sur un homme de nationalité australienne qui avait été amputé à la suite d'un accident. C'était en 1989. Il ne s'agit donc pas d'une greffe, mais bien d'une réimplantation dont le succès ne pourrait être vérifié, bien sûr, que dans plusieurs mois. Voici en exclusivité les images de cette opération avec les explications de Benoît Gadret et Jean-Daniel Flézaquier. Clint Hallam vient d'entrer dans l'histoire de la médecine. Il est le premier à avoir reçu la main. Alors, ça n'est pas du tout la bonne archive que nous souhaitions écouter. Nous souhaitions écouter une archive de 1969 qu'on va peut-être retrouver, peu importe. On verra si on a le temps de la réécouter. Un mot, Aram Gazarian, sur l'un des problèmes clés aujourd'hui en matière de greffe et de transplantation d'organes, les problèmes d'immunité. Quels sont aujourd'hui les progrès qui ont été réalisés en termes pharmacologiques, par exemple, sur les immunosuppresseurs et sur la tolérance du coup de ces greffons des patients? J'ai envie de vous parler de notre programme de recherche. Parlez-en, avec plaisir. De notre programme de recherche de tolérance en allogreffe de tissus composites. Après avoir dit que les progrès pharmacologiques dans le domaine du traitement anti-rejet progressent, bien entendu. Mmh. Aujourd'hui, il y a de nombreuses équipes dans le monde qui cherchent le moyen de contourner le problème du rejet en donnant au sujet receveur, qui va recevoir la greffe, cette capacité à la tolérance, c'est-à-dire à considérer le corps étranger, celui d'un étranger en quelque sorte qui lui est implanté, comme une partie de lui-même. Comme du soi et non pas du non-soi. Exactement. Voilà. Comme on est en mythologie dans la chimère. Et d'ailleurs on appelle ça le chimérisme. C'est une des voies de recherche. Et nous, dans l'optique et dans le souhait de pouvoir réparer des nouveaux-nés nés avec des déficits tissulaires, on a établi un programme de recherche de tolérance en allogreffe de tissu composite chez le nouveau-né. J'étais ce matin dans la ferme de la région lyonnaise, la ferme Pigaz, où nos animaux sont hébergés. Et cette recherche qui est faite grâce au concours de nombreux spécialistes hébergés dans une chaire de recherche à l'école vétérinaire est prometteuse et nous en sommes à des résultats intéressants que nous ne comprenons pas encore, mais voilà une voie dans laquelle nous essayons d'avancer. Vous pouvez nous expliquer un peu les mécanismes qui sont derrière ? Comment est-ce que vous faites pour contourner le système immunitaire et pour faire en sorte qu'un greffon ne soit pas reconnu comme du non-soi ? L'idée de départ, dans le cas qui nous intéresse, qui est un cas particulier, qui est celui du nouveau-né, est de profiter d'une supposée fenêtre de tir durant laquelle le nouveau-né, bien que immunocompétent, n'est pas tout à fait constitué dans ses capacités à rejeter. Et si on lui présente, dans certaines conditions, un tissu étranger, il peut le considérer comme une partie de lui-même. Ça a été déjà montré, mais dans les années 50, Billingham, Medawar, chez la souris. Mais pas chez le gros animal, et c'est un petit peu l'application au gros animal et à l'homme que l'on voudrait faire de cette voie. À l'heure actuelle, vous travaillez sur des cochons, c'est ça ? C'est ça. On a retrouvé l'archive de 1969. Un certain nombre de précisions maintenant sur des questions que vous pouvez vous poser, ainsi celles que vous posez après la mort de Philippe Bleiber. Doit-on poursuivre ou non les greffes cardiaques ? Eh bien, le professeur Barnard a donné aujourd'hui une conférence de presse. Plusieurs journalistes, parmi lesquels André Marco, le correspondant de l'agence France-Presse au Cap, ont demandé au docteur Barnard si cette mort signifiait un échec des greffes cardiaques. Nullement, a affirmé Christian Barnard avec une conviction inébranlable. Nous avons fait le premier pas capital, a-t-il dit, dans une voie qui sera longue et pénible. Et nous ne sommes nullement découragés. S'il fallait recommencer, au fait ce soir, je recommencerai, s'est-il écrié. Nous n'avons jamais prétendu avoir trouvé par les greffes un moyen d'arracher définitivement les grands cardiaques à la mort. Notre ambition actuelle se limite à ceci, retarder autant que possible une issue fatale qu'il n'est pas encore en puissance d'éviter dans les conditions actuelles de la science. Christian Barnard a cité alors des chiffres éloquents et convaincants. Bleiberg a pu gagner par la greffe plus de 500 jours de vie supplémentaire. Alors que sans l'opération du 2 janvier 1968, il serait mort dans l'espace de moins d'un mois. Un autre patient, a dit Barnard, Peter Smith, est en vie aujourd'hui un an après la greffe. Et les perspectives de survie de Dorothy Fisher, la cinquième patiente du chirurgien, sont tout aussi bonnes. Nous ne sommes donc pas découragés, loin de là, a dit un Barnard livide, d'une voix fortement enrouée par la grippe qui le tient depuis 8 jours. Nous continuerons à greffer des cœurs humains de plus en plus nombreux, avec des moyens de plus en plus modernes, a-t-il ajouté, tout en sachant bien et en le disant bien clairement que nous n'avons pas encore la possibilité de vaincre la mort, mais seulement de la retarder. Laurent Lantieri, une réaction à cet archive qui a quasiment 50 ans, en 1969. Sur ces archives-là, on voit, et il y avait d'autres archives de la même période où on dit les médecins disaient mais pourquoi faire cette greffe ? Il y a les problèmes éthiques, il y a les problèmes d'immunologie. Nous avons aujourd'hui encore des problèmes éthiques, des problèmes d'immunologie. Au moment où on est arrivé sur la greffe de visage, on m'a sorti les mêmes arguments. Et là aussi, il y a eu des échecs. Lorsque Isabelle Dunoir, la première greffée de la face, est morte au bout de 10 ans, les gens se sont dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est morte, c'est horrible. J'ai dit, mais elle a eu 10 ans de survie. Effectivement, la dernière année a été pénible, mais les 9 premières années ont été des années de très grande qualité de vie, alors qu'elle avait une destruction de sa face. Et c'est vrai aussi pour d'autres patients. Tom Starzl, qui est mort l'année dernière et qui faisait les premières greffes hépatiques, tous ces patients entre 1963 et 1967 sont morts, certains ne sortant même pas du bloc opératoire. Aujourd'hui, la greffe hépatique est un standard. Donc oui, nous progressons, nos connaissances progressent. Alors la question, est-ce qu'il y a réellement un changement de paradigme en termes d'immunologie ces dernières années ? C'est vrai que nous cherchons depuis des années sur la tolérance. Autant je suis tout à fait d'accord avec Aram sur le nouveau-né qui est immature en termes immunologiques, qui n'a pas encore eu le développement et que ça pourrait marcher. Par contre, tout ce qui est adulte formé et en plus ceux qui sont sensibilisés comme les brûlés, le niveau pour atteindre la tolérance paraît assez improbable. Donc il y a d'autres voies qu'il faut rechercher, probablement des combinaisons entre l'ingénierie tissulaire, la transplantation et toutes ces différentes possibilités que l'on a. Une des possibilités sur lesquelles nous recherchons, qui est un domaine tout à fait différent, c'est c'est utiliser l'organe non pas comme un organe qui vit, mais comme une matrice. Et ça, c'est encore mieux pour nous, pour les tissus composites, par rapport aux greffes d'organes de rénal ou foie qui doivent marcher tout de suite. Nous, il faut que ça marche au bout d'un certain temps, que ça fonctionne. L'idée est de prendre un organe, par exemple, je pourrais prendre votre rein, de le vider de ses cellules, car ce sont les cellules qui portent l'immunologie, et de prendre mes cellules, de les mettre dedans, de les mettre en culture. La matrice que nous avons serait l'organe. Car nous sommes constitués essentiellement d'une matrice et très peu de cellules. Et l'immunologie, en tout cas entre hommes, est portée par les cellules. Donc ça, c'est des domaines qui sont en train d'être faits. Il y a trois aspects dedans qu'il faut voir. C'est d'abord constituer la matrice. Ça, on arrive à le faire. Vider les cellules. Mettre des cellules dedans, on y arrive. Ce que nous n'arrivons pas à faire, en tout cas sur le gros animal, c'est implanter des vaisseaux et des vaisseaux qui soient viables. Sur le petit animal, on y arrive. On arrive à faire des cœurs, des foies, des reins, sur ce principe-là. Et nous espérons bien qu'on y arrivera sur des faces et des mains. Et il y a tout un programme de recherche. C'est donc des problèmes qui sont complémentaires. On a besoin de toutes ces voies. Il n'y a pas une voie qui va repousser l'autre. Et en particulier sur l'ingénierie tissulaire, on vous dit l'ingénierie tissulaire remplacera les greffes d'organes. Et ben c'est entre les deux que nous arriverons à le faire. On reparlera plus longuement de l'ingénierie tissulaire tout à l'heure. Un dernier mot sur cette longue, un peu vaste introduction, peut-être sur la différence, puisqu'on a parlé de greffes d'organes, de greffes de tissus complexes. On entend parler aussi de greffes vitales et de greffes utiles. Est-ce que cette opposition vous semble opérante, Aram Gazarian? Est-ce qu'il faut la dépasser? Je crois qu'elle mérite d'être discutée. On a un jeune philosophe, Martin Dumont, qui va bientôt présenter sa thèse à Paris sur l'aspect philosophique et éthique des greffes de visage et des greffes de main. Et au fur et à mesure des discussions et de nos réflexions sur ce sujet, on a considéré et on a aperçu, par la réflexion, mais aussi par le contact avec les patients, qu'il y avait quelque chose de vital dans ces greffes dites non vitales. Parce que perdre ses mains ou perdre son visage, pire encore, c'est invivable. Laurent Lantieri. Plus loin que ça, c'est que le principe de la médecine aujourd'hui, c'est donner l'autonomie au patient, de restaurer ce qu'il a à faire, de restaurer ses organes. Mais plus loin que ce principe, au-delà de ce principe, ce qui est né dans l'éthique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des horreurs des camps de la mort, c'est la dignité humaine, c'est le respect de la dignité humaine. Et lorsque nous restaurons la face, ou nous resterons les deux mains à une jeune femme, nous restaurons une dignité. Je vois Laura, qu'on a greffée l'année dernière, qui avait des prothèses. Parce qu'on dit les prothèses, ça marche. Qui avait des prothèses myoélectriques, à qui on a greffé deux mains, qui avait des prothèses myoélectriques, qui s'en servaient pendant 8 ans, 9 ans, qui marchaient, vous la voyez dans la rue, vous ne vous rendez pas compte, sauf quand elle vous tendait la main. Qui a dit, je ne veux plus, je veux avoir des vraies mains. La différence aujourd'hui, c'est que elle fait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Toucher sa main avec son corps, toucher son visage, pouvoir passer sa main dans les cheveux, c'est restaurer une certaine dignité. Et puis on va reparler bien sûr des greffes de l'enfant. Je sais que l'équipe d'Aram est pionnière là-dessus. Et mon ami Scott Levin à Philadelphie, qui a fait cette première greffe chez un enfant, le petit Zion que j'ai rencontré. Le petit Zion, c'est un enfant de 10 ans à qui on greffe deux mains, qui avait les deux mains et les deux jambes amputées. On lui a restauré son enfance. C'est tout récent, ça date de l'année dernière. On va en reparler, je vous interromps, et on va reparler de Zion tout à l'heure. J'aimerais juste dire un tout dernier mot tout de même quand on parle de greffe de tissu complexe. On entend le visage, les mains, pourquoi pas les jambes, Laurent Lantieri? Alors les jambes servent à autre chose, les jambes ne servent qu'à marcher. Et aujourd'hui, les prothèses sont très nettement supérieures à ce que nous avons, les greffes, et il n'y a pas ce risque. La main, c'est la sensibilité, c'est le toucher, et la main est visuelle aussi. Donc il y a vraiment une grande différence. Aram Gazarian? Oui, je corrobore à cette réponse tout à fait. Il y a dans la main un aspect non seulement fonctionnel, mais relationnel, de premier ordre, de premier plan, qui n'est pas remplacé par une prothèse, alors qu'une prothèse au niveau des jambes permet de marcher normalement, comme vous et moi, et parfois même mieux, il court plus vite que nous avec des bons matériaux. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons des greffes et notamment des greffes de tissus complexes avec Laurent Lantieri et Aram Gazarian. Alors pour bien comprendre les enjeux et la complexité des greffes de tissus composites, nous nous sommes rendus à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, depuis les premières greffes complètes de visage il y a une dizaine d'années, la pratique a évolué. Vous avez pu rencontrer les équipes du professeur Lantieri notamment qui ont travaillé avec lui. Oui, tout à fait. J'ai rencontré un de vos confrères, le chirurgien maxillo-facial Jean-Paul Meningo, qui a opéré avec vous sur les greffes de visage. Alors, comme vous le dites, Nicolas, la greffe de visage se perfectionne à la fois sur les méthodes de prélèvement, sur la conservation, le transport et la greffe en elle-même. Mais le plus dur, et comme on l'a dit, c'est que le suivi des patients reste compliqué au niveau immunologique et tout le suivi reste encore à définir avec, entre le patient et le chirurgien. L'idée des greffes de visage a germé parce que dans les cas des gros traumatismes, les patients avaient entre 50 et 100 opérations avec un risque cumulé qui était loin d'être négligeable. Et donc c'est comme ça qu'a germé l'idée de transplanter d'emblée tous les tissus d'un patient sur un autre pour essayer d'éviter ces opérations à répétition. Qu'est-ce qu'on entend exactement par greffe de visage ? Est-ce que ça comprend tous les tissus superficiels ou bien les os, les muscles ? Ça comprend en fait toute greffe qui intéresse plusieurs tissus du visage, donc au minimum la peau, les muscles et souvent l'os. Donc c'est essentiellement donc soit des patients qui ont eu un traumatisme très important, donc un traumatisme balistique par exemple, ou un traumatisme lié à une brûlure, et sinon des patients qui ont eu des maladies génétiques comme la neurofibromatose qui peut altérer énormément le visage. L'opération, ça prend énormément d'heures, une vingtaine d'heures, ça mobilise beaucoup d'expertises différentes. Ouais. Alors ça prend énormément d'heures déjà avant. Au moment où on a l'alerte sur un transplant. Quand on se mobilise, il y a énormément de travail de préparation, surtout si en plus le prélèvement a lieu dans un hôpital distant. Il nous est arrivé de prélever à Lyon pour greffer ici. Et puis ensuite, il y a l'opération proprement dite qui prend énormément de temps. C'est souvent, ça s'encadre à peu près dans les 24 heures. Et donc effectivement, on a besoin de deux équipes complètes, une sur le receveur et une sur le donneur. Et puis des professionnels de différentes disciplines, bien sûr, beaucoup en anesthésie-réanimation. Et puis aussi au niveau immunologique. Le transport et la conservation d'un visage, est-ce qu'on a des outils vraiment adaptés pour ça ? Donc il y a en fait deux interventions en simultané. Donc il y a une intervention qui consiste à prélever les tissus sur le défunt. C'est une intervention qui est assez longue parce qu'il faut conserver tous les vaisseaux, puisqu'ensuite il y aura un branchement et tous les nerfs. Donc ça prend énormément de temps. Et simultanément, il y a une autre intervention sur le receveur, parce qu'il faut mettre en condition le receveur, c'est-à-dire enlever tous les tissus qui sont lésés et en même temps disséquer les vaisseaux qui vont recevoir le transplant. Donc il faut en fait vider de son sang tout le transplant et le remplacer par ce liquide de conservation. Et ensuite, quand on récupère le transplant, eh bien, il faut à nouveau vider le liquide de conservation avant de faire les anastomoses. Donc il y a un temps qui est relativement long à l'aller et au retour. Et puis après, il y a une intervention commune, c'est-à-dire une fois que le patient a été préparé d'un côté et que le greffon a été pris, ben, on met tout ça en rapport. Ouais, mettre tout ça en rapport, c'est-à-dire reconnecter, comme vous l'avez dit, les nerfs, les vaisseaux sanguins, c'est quand même de la microchirurgie, là. C'est de la microchirurgie sur les vaisseaux, donc sur l'artère, veine, qu'on double par des raisons de sécurité, et puis surtout sur tous les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Bon, les tissus sont prélevés de pleine épaisseur, et donc il peut y avoir une incongruence, donc il y a un travail qui est assez long de réadaptation du transplant, qu'on ne peut pas évidemment prévoir à l'avance, sur le receveur. Là, par exemple, au niveau de la planification, on a installé une salle au bloc opératoire, et donc là, vous pouvez voir un assistant qui travaille sur des modèles réalisés avec des imprimantes 3D, là vous en voyez deux. On travaille aussi sur des concepts de réalité augmentée, et là vous voyez un appareil de réalité virtuelle qui sert à toute autre chose. Et qu'est-ce qu'on prépare ici dans ce bloc opératoire ? C'est tout ce qui permet de faciliter les opérations. Donc on passe pas mal de temps à prévoir la façon dont on va réaliser les opérations, de façon à gagner du temps pendant l'anesthésie du patient. Donc c'est un avantage pour le malade, puisqu'il sera endormi moins longtemps. Et puis ça a aussi un immense intérêt pédagogique, puisqu'ici c'est un centre hospitalier universitaire. Et puis ça nous permet d'être plus précis, d'opérer à coup sûr. Et comment on gère, après l'opération, les problèmes de rejet? Est-ce qu'il y a un suivi médical, un traitement à prendre à vie? Il y a un traitement donc, qui, malheureusement, est à prendre à vie. Donc, on travaille avec des immunologistes qui surveillent ça de très très près, avec un traitement immunosuppresseur qui permet de faire en sorte que le greffon sera accepté. Et en même temps, malheureusement, il y a des épisodes de rejet aigu que l'on doit surveiller et pouvoir traiter rapidement. Et au niveau de la rééducation, quand on greffe un visage, le patient, il doit réapprendre à faire des mouvements simples du visage comme sourire ou froncer les sourcils. La partie qui est importante ici à Mondor, c'est la surveillance des patients. Donc ça se matérialise par des hospitalisations pour bilan, des biopsies. On biopsie systématiquement la peau et les muqueuses. On a un anatomopathologiste qui est spécialisé dans ce domaine. Puis on en profite pour faire d'autres analyses sur les nerfs, sur des petites vidéos pour les expressions, des photos de référence, éventuellement des radios. Voilà. Puis on surveille aussi les complications éventuelles des immunosuppresseurs. En tout cas, on cherche à les dépister, on réajuste les doses. Enfin, il y a pas mal de choses à faire en termes de suivi. Et ensuite, on communique tous ces résultats à Laurent Lantieri qui dirige le projet. La chirurgie, ça permet aussi d'augmenter les connaissances en recherche fondamentale. Oui, donc on a effectué aussi énormément de recherches au laboratoire d'anatomie des Saint-Père avec le professeur Touré. Donc on s'est posé de nouvelles questions grâce à la greffe de visage qu'on ne se posait pas sur la vascularisation de certaines entités, comme par exemple maxillaire. On avait des idées un petit peu préconçues. Et on a pu voir qu'on pouvait vasculariser un maxillaire sur l'artère faciale, ce qui changeait la technique de prélèvement. Ou par exemple sur l'occiput, sur la peau du scalp au niveau occipital. Pareil, on avait l'idée qu'elle était vascularisée d'une certaine façon, ce qui rendait le prélèvement complexe. On s'est aperçu qu'on pouvait faire plus simple. Donc il y a eu pas mal de recherches en anatomie qui a débouché sur des conclusions intéressantes. Voilà, la greffe du visage expliquée en 5 minutes. Laurent Lantieri, une réaction à ce que vous venez d'entendre, sont vos équipes? Oui, c'est mon ami Jean-Paul Méningo avec qui j'ai travaillé, avec qui on travaillait à Mondor, qui lui est resté à Mondor. Moi, je suis venu à Pompidou et on travaille toujours ensemble sur ces projets. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que dit Jean-Paul, parce que tout ce qui est dit est exact. Il y a un point qui est important par rapport à la greffe de main. C'est que la greffe de main était partie du concept de la réimplantation de main, qui était quelque chose qui était connu. La réimplantation, c'est quand membre qui a été sectionné, on remet, une autogreffe. Et la première réimplantation de bras, par exemple, a été faite en 1962. Et ensuite, il y a eu des réimplantations. Et c'est une évolution de la partie technique. La première greffe de main date de 1963, mais il n'y avait pas le traitement immunosuppressif à l'époque. La greffe de face, je préfère parler de greffe de face, pas de visage, il a fallu développer tout un principe anatomique différent parce qu'il n'y avait pas de modèle. Il n'y a personne qui a eu la face amputée qu'on a réimplantée, où il y avait un ou deux cas dans la littérature de choses exceptionnelles. Donc c'est là où la partie anatomique a été intéressante, de développer des modèles anatomiques pour pouvoir faire cette transplantation. Comme il y a eu d'ailleurs dans les transplantations hépatiques, où il y a eu des techniques qui ont été développées à partir de la recherche anatomique. L'anatomie n'est pas une science morte, c'est une science importante pour nous, chirurgiens. Il faut aller au laboratoire d'anatomie pour pouvoir développer les nouvelles techniques. On a entendu dans le reportage à propos des questions liées à l'immunosuppression que les principaux tissus qui posent problème sont les épithéliums, c'est la peau et la muqueuse qui sont très immunogènes. On a réussi à contourner ça ou une façon de trouver justement des parades assez problèmes liés? À vrai dire, pas vraiment. Moi, j'avais espéré, lorsque je me suis lancé dans ce projet, en suivant d'abord ce qui avait été fait à Lyon, par Jean-Michel Dubernard et par Warren Breinbach aux États-Unis, que sur les années qui suivent, on ait un changement de paradigme, quelque chose de nouveau qui nous permette de faire. C'est pas vraiment le cas. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Si, il faut le faire dans des cas extrêmes. Nous avons des besoins. Il y a des patients qui n'ont pas d'autre solution que ça, pour lesquels il faut faire ce type de transplantation, car ça va leur amener un niveau de qualité de vie suffisant et qu'ils n'ont plus. Mais le risque en face d'une immunosuppression est important. C'est pour ça que ces greffes de face, en tout cas, ne sont réservées qu'à une toute petite frange de population extrêmement rare. Quant aux greffes de membres, en France, il a été convenu qu'on ferait deux greffes de main en même temps et pas une seule, parce qu'on considère que le déficit en termes de qualité de vie, le déficit fonctionnel, est suffisamment important lorsqu'on a deux mains en moins pour justifier de ces greffes. et la population la plus importante. On a des patients qui aujourd'hui survivent en réanimation et qui se trouvent amputés des quatre membres. Et c'est vraiment une population qui est relativement homogène et qui peut bénéficier de ce type de transplantation. Il y a un autre élément qui était intéressant dans ce reportage, c'est l'apparition de l'impression 3D pour ce que votre confrère appelait les incongruences entre le visage des personnes, du transplanté et du donneur. Aujourd'hui, ça apporte pour le coup un vrai progrès technique qui était plus complexe. Alors, ou plus long en tout cas. Il ne faut pas que nos auditeurs confondent l'impression 3D que l'on fait en ingénierie tissulaire pour essayer de créer des organes, et l'impression 3D dont on parle ici, qui est de la modélisation pour pouvoir faire une chirurgie. Alors on l'utilise dans la chirurgie maxillofaciale régulièrement, dans la chirurgie osseuse régulièrement, sur des transplantations complexes, difficiles, comme celle que nous avions fait avec l'équipe de Scott Levin, où il y avait des os qui étaient très courts, il a fallu qu'on fasse des modèles pour savoir où est-ce qu'on va couper et où est-ce qu'on va mettre nos plaques. Donc c'est une modélisation et une préparation. La difficulté que l'on a, c'est que le donneur, lui, on l'a tout de suite. Donc si on veut avoir des guides de coupe, c'est quasiment impossible. Donc c'est vraiment pour des parties particulières de la transplantation, quand on veut avoir quelques éléments spécifiques pour faire des coupes qui soient adaptées. On reparlera tout à l'heure, effectivement, plus en détail de l'ingénierie tissulaire. Autre chose d'intéressant, puisqu'on parlait tout à l'heure d'immunosuppression, c'est que j'ai lu qu'on a pu observer des microchimérismes dans le cas de transplantation osseuse entre la moelle du donneur et celle du receveur. C'est une piste intéressante, justement, pour limiter les mécaniques d'immunosuppression à Aram Gazarian. C'était le rêve de Jean-Michel Dubernard, que Laurent a mentionné. Vous pouvez nous expliquer en quoi consistent déjà ces microchimérismes, de quoi on parle ? L'idée est que, à la faveur de la chirurgie et à la faveur d'une période de traitement immunosuppresseur forte, la moelle contenue dans le transplant, c'est-à-dire la main, le visage qui est transplanté, puisse se nicher dans la moelle du receveur et survivre en tant que telle. C'est ce qu'on appelle le microchimérisme. Mais en réalité, on n'a pas fait la preuve que cela existait en humaine et que c'est une incidence positive. Puisqu'il faut rappeler que c'est dans la moelle osseuse que les cellules hématopoïétiques qui vont générer un certain nombre de les lymphocytes qui sont les globules qui vont ensuite attaquer le non-soi et donc provoquer les phénomènes de rejet. Un mot tout de même sur ces phénomènes de microchimérisme, c'est une piste qui vous semble importante, intéressante, ou que c'est pour le moment encore trop incertain pour pouvoir espérer des résultats? C'est une piste intéressante, mais je pense que il y a beaucoup d'autres pistes autour qui sont intéressantes. Le problème, c'est qu'on essaye trop souvent de vouloir rendre le receveur tolérant au donneur, rendre le receveur tolérant au greffon que l'on va faire. Et peut-être que les autres pistes, c'est d'essayer de rendre l'organe tolérogène, tolérant pour le receveur, c'est-à-dire traiter cet organe avec des traitements spécifiques, locaux. C'est aussi une autre voie qui vont permettre d'acquérir quelque chose de mieux. Il y a aussi un point, on a parlé aussi d'un autre élément qui est le transport. Il y a un autre élément dans la greffe, ce qui est le transport. Et plus on a des temps qui sont longs en transport, plus il y a une atteinte du greffon et plus il peut y avoir des rejets. Tout est lié. De même que la technique chirurgicale est importante. Donc il y a la technique chirurgicale qu'il faut maîtriser. Je pense qu'aujourd'hui on maîtrise relativement bien. Et ça, c'est vraiment les progrès qui ont été faits. Il y a l'immunosuppression et entre les deux, il y a le transport. Dans le transport, aujourd'hui, il y a pas mal de recherches, et entre autres sur les solutés de conservation. Et actuellement, il y a une société française, une start-up française qui a développé un produit de conservation qui est un produit qui est issu du ver marin. Le ver marin a une hémoglobine qui n'est pas contenue dans la globule rouge et c'est quelque chose qui transporte l'oxygène. Et il vient d'y avoir un essai qui a été fait dans la greffe rénale qui montrait qu'en mettant cet additif situé du ver marin, eh bien, on pouvait faire mieux conserver les organes et donc il y a moins de rejets. Comme quoi, la recherche, même la recherche la plus exotique sur le ver marin. Il y a des gens qui vous diront de manière très scientifique, mais non, il ne faut pas chercher sur le ver marin, ça ne sert à rien, on n'en a rien à foutre du ver marin. Eh bien si, ça peut déboucher sur des grandes découvertes. Mais figurez-vous qu'on en parlait pas plus tard que lundi dans une émission précisément consacrée au sang et dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Vous pouvez nous dire tout de même un mot sur ces recherches sur les traitements sur le greffon qui pourraient permettre d'éviter des réactions d'immunosuppression trop violentes de la part du transplanté? Alors il y a des protocoles aujourd'hui pour essayer de mettre les traitements immunosuppresseurs in situ, c'est-à-dire le décharger régulièrement au niveau du greffon, Ça rend les choses un peu plus complexes parce que ça associe un geste chirurgical au traitement médical afin de rendre pendant un certain temps plus immunogène, c'est-à-dire des pastilles qui sont induites de traitements immunosuppresseurs qui vont se déliter localement et qui vont faire que pendant un certain temps, le greffon ne sera pas reconnu comme un étranger. Et en espérant qu'à ce moment-là, il y aura effectivement ces phénomènes de chimérisme qui vont se former entre le donneur et le receveur pendant le temps où il y a ce phénomène-là. La méthode scientifique, Nicolas Martin. So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. Vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de greffe tout au long de la journée, puisque c'était hier la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Nous parlons notamment de greffe de tissus composites avec Laurent Lantieri, qui est fondateur et directeur du service de chirurgie reconstructrice et esthétique à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, et Aram Gazarian, qui est chirurgien de la main pour les enfants et les adultes et qui exerce dans les hôpitaux publics de Lyon et à la clinique du Parc, la clinique privée. Pourquoi est-ce que c'est si important que le public et le privé fonctionnent main dans la main pour ce qui est de l'avance et de la recherche en greffe de tissus composites, Aram Gazarian? En l'occurrence, dans le domaine de la greffe de main, la collaboration pourrait être qualifiée de nécessaire et réussie. Nécessaire parce que l'une des entités sans l'autre ne pourrait pas agir. Du point de vue des moyens mis en jeu, du nombre de chirurgiens, du nombre des infirmières, aujourd'hui, on va opérer dans les hôpitaux, mais avec un nombre de chirurgiens venus du privé, de la clinique du Parc, je mentionne Vincent Guigal, mais aussi de nombreux autres centres, nos infirmières, notre matériel, et on va rejoindre à l'hôpital des praticiens, du personnel, et c'est ensemble que l'on peut réaliser ça. On pourrait pas le faire seul. On a dit que ce sont évidemment des interventions très longues, de plusieurs dizaines d'heures, parfois plus de 24 heures. Ce sont des équipes de combien de personnes? Il faut 50 personnes autour d'une greffe. Si vous mettez dedans, hein, Laurent, si vous mettez dedans en plus les praticiens qui font de la biomédecine, la recherche des donneurs, qui s'entretiennent avec les familles, ceux qui transportent, ceux qui interviennent, ça fait du monde. Et il faut saluer ce qui est nécessaire, les personnes en particulier, et aussi les institutions. Au sujet des institutions, je pense qu'on aura des requêtes concernant l'avancée sur la mise à disposition des moyens nécessaires à poursuivre correctement cette transplantation. Laurent Lantieri nous en parlera probablement. Mmh. Ouais. Ça, c'est le fonctionnement. Ensuite, il y a l'objet et il y a ses résultats. Peut-être on peut parler un petit peu des résultats. Bien sûr, parlons tout à fait des résultats. Je voulais vous amener à la greffe de la main, et notamment la première greffe de main a réussi maintenant il y a près de 20 ans. C'était à Lyon en 1998. Mais parlez-nous des résultats, Aram Gazarian, et on rentrera dans le détail un peu plus. Voilà. À Lyon, on a opéré 8 patients. Pour situer un petit peu la situation, aujourd'hui dans le monde, il y a sur le registre international 68 déclarations de patients opérés, qui totalisent environ 107 transplantations de main, puisqu'il y en a 29 qui ont été faites de façon unilatérale et 39 faites de façon bilatérale. Et puis à cela, il faut ajouter peut-être 10-15% de transplantations non déclarées. C'est le cas par exemple de la Chine. Les 8 patients lyonnais, le premier qui est un unilatéral est le seul unilatéral. Après quoi, on s'est rendu compte qu'il valait peut-être mieux opérer des amputés bilatéraux parce que la justification, comme on le disait à l'instant, de la balance bénéfice-risque était raisonnable à ce niveau-là. Si l'on enlève de ces 7 patients restants le dernier qui est trop jeune pour être évalué, et si l'on regarde le résultat obtenu donc chez nos 6 bilatéraux, qui ont un recul moyen de 10 ans maintenant, entre 5 ans et 17 ans, bientôt 18, il faut peut-être expliquer aux auditeurs la manière qu'on a de les évaluer. Bien sûr. Il y a 3 ordres de méthodes de mesure ou d'outils de mesure. Il y a ce qu'on appelle les mesures analytiques. C'est-à-dire ce qu'on observe en termes de mobilité, de force et de sensibilité. Et puis, il y a les moyens dits d'études fonctionnelles. C'est-à-dire qu'avec ces capacités, qu'est-ce que les patients sont capables de faire? Et puis ensuite, il y a un troisième élément qui est important, qui est l'évaluation subjective. C'est-à-dire l'évaluation que les patients ont eux-mêmes de la qualité de leurs mains. Alors, au plan analytique, les patients recouvre une mobilité qui va, si vous regardez vos doigts, entre un peu plus de 30% de mobilité complète et 95% et au-delà, ce qui est important. Au plan de la force, ils récupèrent une force toujours faible, parfois que 5%, parfois une force non mesurable, et parfois 30%. Et il faut dire qu'avec peu de force, on fait beaucoup. On va y revenir. Et puis il y a la sensibilité, qui est un poste de résultat très apprécié par les patients. Tous récupèrent une sensibilité qu'on appelle de protection. Le chaud, le froid, je touche, je sens. Et puis, sur les doigts majeurs de la main, c'est-à-dire le pouce et l'index, souvent ils développent ce qu'on appelle une discrimination, c'est-à-dire la capacité que vous avez, vous et moi, de ressentir comme distinctes deux points qui sont séparés de 6, 7 ou 10 millimètres. Ça, c'est les capacités. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec? Grosso modo, si on mesure par pourcentage ce que fait une main dominante, on va trouver qu'elle réalise 70% de ce que fait une main normale. Et les mains non dominantes, environ 50%. Et si l'on évalue la subjectivité des patients, en moyenne, ils évaluent leurs mains à environ 7,5 sur 10. Ça va de 3 à 10. Ils en sont très satisfaits. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les bénéfices. Bien sûr que l'évaluation d'un résultat demande de comparer les bénéfices aux inconvénients. Et les inconvénients, on en parlait tout à l'heure, il y en a deux ordres. Il y a ce qui compromet la vie, c'est-à-dire les complications du traitement immunosuppresseur. On peut mourir du traitement immunosuppresseur alors que on ne meurt pas, en quelque sorte, de l'absence de main, même si la vie est invivable. Et puis, l'autre aspect, c'est la durée de vie des greffons. Alors voilà, puisqu'on évoquait tout à l'heure la durée de vie des greffons des organes comme le rein, qu'en est-il des greffes de tissus composites? Un de nos patients, après 13 ans de sa greffe, a dû voir ses transplants amputés. Il a perdu progressivement ses doigts par rejet chronique et entre lui et nous s'est installée une discussion et nous lui avons donné quelque sorte la décision. Et on lui a dit, le jour où vous considérez que ce que vous faites avec vos mains ne vaut pas la peine, ne vaut plus la peine, alors on les enlèvera. Et il nous a demandé de les lui enlever, ce que l'on a fait. J'allais dire bien volontiers. Bien volontiers parce que on est dans le soin. On est dans le soin fonctionnel et l'important c'est de répondre à la demande du patient. Laurent Lantieri, sur justement la durée des greffons de visage, est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir si ces greffons sont permanents et que se passe-t-il ? Est-ce qu'on peut retirer un greffon de visage ou pas ? Non, ils ne sont pas permanents, ça c'est très clair. C'était un petit peu la question qui était posée. Et moi j'ai toujours dit, et j'ai toujours dit depuis le départ, qu'il y avait une différence entre la main et la face, et que la main on pouvait l'amputer. La face, lorsque la face est enlevée, c'est la mort. C'est très clair, les patients qui sont rentrés là-dedans savent qu'il y a ce risque. La première patiente qui a été greffée dans le monde en 2005, Isabelle Linoir, par l'équipe de Lyon et d'Amiens, est décédée. Alors elle est décédée, elle avait un cancer et tout, mais surtout elle a fait la dernière année des phénomènes de rejet et de destruction de son greffon. Dans notre expérience, puisque c'est nous qui avons aujourd'hui à la fois le plus grand recul et le plus grand nombre de patients, puisqu'on en a 7, ce qui est beaucoup, alors on a eu des décès immédiats sur des problèmes chroniques, mais on a aujourd'hui des aspects de rejet chronique. Mais ce qui est surprenant, c'est cette grande variabilité. Je vous disais tout à l'heure que j'ai un patient traité en 2009. En 2009, c'est une greffe de la face pour lequel il n'y a pas eu tout le traitement initial. Je me suis dit ça va mal se passer dans l'avenir. Lui, il va super bien. Il a un traitement qui est absolument léger, qui est pratiquement rien comme quelques médicaments. Et il est sur Facebook avec sa copine et ça va bien. Mmh. Et un autre, actuellement, qui a eu une greffe plus importante, tout se passait bien, qui est en rejet chronique. Et on se pose aujourd'hui la question de savoir si on ne va pas le regreffer parce qu'on a perdu ses organes. Et là, on n'a pas d'autre choix. Alors, autant sur la main, on dit on va amputer. Là, si ça ne va pas, on ne peut pas l'amputer. On ne peut pas faire quelque chose après. C'est la retransplantation. Et on voit bien sur la face, sur les greffes de face, certainement encore plus, parce que c'est encore plus symbolique que pour les greffes de main, d'emblée le problème d'acceptation psychologique que pose ce type de greffe de tissu composite à Aram Ghazarian. C'est un élément tout à fait important. Et le bénéfice, j'allais dire psychologique, de la greffe est à souligner. Non seulement on apporte de la fonction, mais les mains, ce n'est pas que de la fonction, c'est aussi l'être. Et on pourrait dire que à la lumière de ce que on pensait les psychiatres qui nous accompagnent Burlou initialement et aujourd'hui Christian Selin, que on restaure une capacité à la vie sociale et relationnelle. Et cette restauration va avec le fait que ces mains qui sont celles d'un étranger deviennent ses propres mains. Et cela se produit essentiellement au moment où les patients recouvrent la sensibilité. À ce sujet, la sensibilité des mains greffées est plus importante que celle que l'on obtient en moyenne chez les mains réimplantées. On devrait dire réplantées. Quand vous parlez votre main, oui, quand vous remet votre main, le résultat que vous allez obtenir va être en moyenne moins bon que celui qu'on obtient chez nos greffés. Pourquoi ? Pour trois raisons, probablement. La première, c'est que les tissus apportés sont d'excellente qualité. Il n'y a pas de lésions tissulaires de part et d'autre de la zone de section. Deuxièmement, ils sont rééduqués, nos patients, comme des chevaux de course. Ça compte beaucoup. Et puis, il y a probablement le rôle des immunosuppresseurs, le tacrolimus, qui a probablement, c'est discuté, un rôle favorisant la repousse nerveuse. Au regard de ce que vous venez de nous dire l'un et l'autre sur la durée de vie des greffons, j'aimerais qu'on parle de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Laurent Lantieri, c'est-à-dire du petit Zion, qui est un jeune garçon qui a été greffé des deux mains l'an dernier. Un an après cette greffe, un rapport vient d'être publié en septembre sur cette double greffe. Que dit ce rapport et que penser des problèmes liés précisément à la durée de vie du greffon chez un enfant ? Donc Zion a été greffé il y a 18 mois maintenant. D'abord, c'est un garçon extraordinaire. Moi, je l'ai rencontré deux fois. Mais il y a une différence, c'est que cet enfant a été amputé des deux mains et des deux jambes, mais aussi avait une insuffisance rénale à la suite d'une infection. Il avait une infection, il avait une septicémie, et il s'est retrouvé en réanimation, il était amputé. Donc, il avait déjà une greffe rénale, il avait la greffe rénale de sa mère, qui lui avait donné son rein. Donc, il avait déjà un traitement immunosuppresseur. Donc, un point de vue éthique se posait moins le problème de dire on va mettre un traitement immunosuppresseur à long terme chez cet enfant. Ce que l'on a vu, c'est que ça n'empêche pas que la chirurgie est lourde, ça n'empêche pas qu'il faut relancer une nouvelle immunosuppression plus forte temporairement au moment où on fait cette greffe, mais il n'y a pas ce problème de cette question de se dire est-ce qu'on ne met pas en danger en mettant un traitement immunosuppresseur puisqu'il y a déjà une greffe rénale. Combien de temps ces greffons vont tenir ? Personne ne le sait. Ce que l'on sait, c'est qu'ils grandissent avec l'enfant. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'âge du donneur n'était pas l'âge du receveur. En fait, pour voir la bonne taille, ce qui a été fait, c'est faire une modélisation. Il dit on va prendre 20% au-dessus, 20% en dessous, puis d'essayer de greffer, puis ça serait bien. Et c'est tout le travail qui avait été fait avec l'équipe de Scott Levin. Et puis, cette greffe aujourd'hui, le petit Zion, quand vous le voyez en train de jouer au baseball, quand vous le voyez en train de lancer la balle, quand vous le voyez en train de jouer avec ses camarades, en train de monter, vous dites, vous leur avez donné une enfance. Donc, même s'il perd ses mains dans 5 ans, dans 10 ans, au moins, il aura eu une enfance heureuse. Je crois que c'est important. Le problème des greffes chez l'enfant, quelle qu'elle soit, c'est l'adolescence. Et la première cause de rejet, c'est que l'adolescent, il est en pont contre la société, il va arrêter son traitement. Et c'est vraiment le problème des greffes chez l'enfant, quel qu'elle soit, le cœur, le foie ou le rein ou n'importe quoi. C'est là où nos perceptions avec Laurent peut-être diffèrent un petit peu. Je m'explique. J'ai eu le privilège que le Lancet me demande de la relecture critique. Le grand journal médical britannique. Me demande la relecture critique de cet article avant sa publication. Ma position est la suivante, c'est que, bien sûr, ça mérite d'être publié, il n'y a pas de doute là-dessus, il faut le faire. Bien sûr que la justification immunologique, compte tenu de la présence d'une immunosuppression déjà en cours, du fait de la greffe de rein, allégeait cette question-là, mais allégeait incomplètement, parce que l'immunosuppression est forte, elle reste souvent élevée, donc elle pose des problèmes en elle-même, sans compter que le fait d'avoir une deuxième greffe va complexifier probablement la suite en ce qui concerne la greffe de rein. Bien, mais ceci n'est pas le plus important. Le plus important me paraît être l'aspect éthique compte tenu de la disposition de l'enfant à comprendre le rejet chronique. On fait un cadeau à un enfant magnifique. Et il aura bientôt un résultat magnifique parce que les enfants vont mieux que les adultes. Ceux qui font cette chirurgie chez l'enfant le constatent tous les jours. Maintenant, cet enfant, comment s'assurer que le jour où ça va pas, il va le comprendre? C'est ça qui manque. Mmh. Et c'est là-dessus que j'ai émis des critiques assez sévères. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Aram, j'ai pas d'opposition. J'ai pas d'opposition à ça. Le point de l'éthique sur un enfant, de savoir si un enfant est en capacité de savoir, par définition, c'est un enfant, donc on dit qu'il est mineur, donc il n'a pas l'autonomie. Mais au-delà de l'autonomie, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la dignité. Pourquoi refuser forcément un traitement à un enfant parce qu'il n'aurait pas le choix? Et c'est vrai pour les greffes aussi chez l'enfant, on peut dire le même raisonnement pour une greffe de foie, une greffe de rein. Cela dit, tout ce qu'a dit Aram est parfaitement exact. C'est pour ça qu'il faut avancer avec une grande prudence et il ne faut pas voir débarquer demain tous les parents avec une main mal formée en disant mais faites quelque chose, faites-moi une greffe demain. Je pense qu'on aura compris l'importance des enjeux autour de la greffe chez l'enfant. Il nous reste malheureusement assez peu de temps. On ne va pas pouvoir aborder l'ingénierie tissulaire, mais session de rattrapage. Nous avions parlé des questions de bioimpression dans une émission précédente, donc on va vous mettre un lien et ça répondra en partie à vos questions sur l'état de l'avancée de l'ingénierie tissulaire sur la fabrication de peau via des bio-imprimantes 3D notamment et la question de la fabrication des organes. On va vous mettre ça et puis on consacrera une autre émission complète à cette question-là. J'aimerais tout de même qu'on dise un mot, et c'est important, même rapidement, à propos d'informations qui circulent et qu'on voit circuler sur Internet sur une éventuelle greffe de tête. Alors cette greffe de tête, c'est impropre, il faut dire greffe de corps, évidemment, via un chirurgien dont vous donnerez le nom si vous en avez envie, qui était extrêmement controversé. Laurent Lantieri, il faut pas y consacrer plus de 10 secondes ou est-ce qu'il y a tout de même quelques bases scientifiques en quelques secondes? Justement, moi je suis un peu l'affaire parce qu'on me dit, mais oui, mais c'est comme les greffes de visage, aussi tout le monde disait qu'il fallait pas les faire et vous l'avez fait quand même. Non, il y a un travail scientifique qui doit être fait avant de pouvoir se lancer. D'abord, il faut des indications et je vois pas quelles sont les indications. Il faut un travail scientifique. En tout et pour tout, sur le travail scientifique, je n'ai vu apparaître que 2 articles qui sont même pas indexés. Sur un travail scientifique, il y a un chien qui a été opéré, 5 souris. Sur les 5 souris, il y en a 4 qui sont mortes et une à qui on a coupé la moelle épinière et peut-être qu'elle aurait marché derrière. C'est un peu court pour se lancer dans une greffe de tête et dont on dit que la moelle épinière va repousser et que le patient a un truc. Et il y a plein d'aspects techniques qui ne sont absolument pas envisagés. Les nerfs phréniques qui permettent de respirer, des tas d'éléments qui n'ont même pas été envisagés par l'auteur de cette vaste fumisterie. Aram Ghazarian, tout est dit. À ce sujet-là, tout est dit avec l'intérêt que représente la recherche dans ce domaine. Et on va parler du futur sérieux de la recherche, puisqu'il est déjà 16h53. Et comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de recevoir en fin d'émission précisément l'avenir de la recherche en la personne d'un ou d'une doctorante qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Leclin-Spiel. Vous êtes en dernière année de thèse à l'EHESS. Bienvenue dans la recherche montre en main, c'est à vous. Merci. Alors dans ma thèse, je m'intéresse aux transplantations du visage en tant que technique émergente et objet de fortes controverses. Les controverses sont un point d'entrée privilégié en sociologie en raison de l'effort d'explicitation qui est fourni dans ces moments-là par les acteurs pour faire valoir leur rapport au monde et pour justifier de leurs actes. L'une des questions au cœur des controverses au début des années 2000 est de savoir si le visage peut faire l'objet d'un don anonyme. Est-ce que le visage peut être dépersonnalisé comme un cœur ou comme un foie ? Est-ce que les personnes défigurées ne risquent pas une confusion identitaire avec le donneur d'organes ? C'est une inquiétude dont témoigne par exemple le Comité consultatif national d'éthique, qui estime en 2004 que l'émergence d'une telle opération est illusoire au regard de la force symbolique du visage et de sa centralité dans la construction des individus. Pour le comité, ni les proches d'un défunt en état de mort encéphalique, ni les patients défigurés ne sauraient accepter une telle opération. Et pourtant, on l'a vu, quelques mois plus tard, la première transplantation a lieu. Comment alors ce que la bioéthique jugeait inacceptable en principe a-t-il été rendu acceptable en pratique ? Comment le visage est-il devenu un organe, objet de don anonyme ? Pour répondre à ces questions, je m'appuie dans ma thèse sur une enquête qui a impliqué trois méthodes. D'abord, j'ai analysé les archives de la presse grand public et scientifique des années 90 à aujourd'hui. Ensuite, j'ai réalisé plus de 80 entretiens avec des chirurgiens du visage, des patients, des membres d'associations de personnes défigurées, des comités d'éthique ou encore des représentants de l'Agence de la biomédecine. Enfin, j'ai investi les deux services hospitaliers où sont réalisées ces greffes pour saisir, par l'ethnographie, le quotidien dans lequel elles émergent. J'ai suivi les équipes et les patients en chambre, en consultation, au bloc opératoire. À travers ces matériaux, j'observe que chirurgiens et éthiciens promeuvent deux définitions concurrentes du visage, de vision du corps humain et de la relation entre la chair et l'identité des personnes. Tous défendent l'importance du visage chez l'humain. Cependant, tandis que les chirurgiens s'appuient sur cette importance du visage pour défendre leur réparation par la greffe, le comité la mobilise pour s'opposer à son prélèvement chez les défunts. Face à cette impasse, les chirurgiens vont soutenir que la partie du corps amenée à être prélevée n'est en fait pas tout à fait un visage. On ne greffe pas un visage mais une face, est une formule que je retrouve de façon quasi invariable tout au long de mon enquête, chez les chirurgiens, les infirmiers au bloc opératoire ou les patients. Distinguer le visage propre au vivant de la face des morts consiste à affirmer que la force symbolique et la fonction de communication associée au visage s'effacent avec l'arrêt des fonctions cérébrales de la personne. La face se résumerait à un support de reconnaissance qui peut être remplacé par un masque mortuaire au trait du défunt. C'est la première étape à travers laquelle le visage devient un organe, mais la dépersonnalisation et l'anonymisation du visage se poursuit tout au long de la trajectoire de l'organe au bloc, ainsi qu'après la transplantation. Les personnes greffées vont en effet faire l'expérience de la réception de l'organe et développer différents types de relations à leur donneur anonyme qui laisse plus ou moins de place à sa personne. Je voudrais terminer en indiquant que le don d'organes n'a pas l'exclusivité de cette tension entre anonymat et personnalisation. Il suffit de regarder du côté des controverses actuelles concernant la procréation médicalement assistée avec tiers donneur pour s'en assurer. À nouveau se pose la question que j'ai soumise à analyse à partir du cas des greffes du visage. Jusqu'où associer ou dissocier les personnes de leur chair ? En d'autres termes, que charrie la chair ? Si cette relation entre les personnes et les corps se trouve officiellement encadrée par de fortes contraintes institutionnelles, telles que la politique du don anonyme, elle est surtout en pratique le résultat d'un bricolage quotidien mené tant par les équipes médicales que par les patients. Marie Leclin-Spiel, merci beaucoup pour cette présentation. Un mot de réaction à ce que vous venez d'entendre, Laurent Lantieri ? J'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont absolument réelles. Le Comité national d'éthique, son avis, franchement, était absolument pitoyable, puisque c'était, on disait que tout était résumé dans Les yeux sans visage, ou c'est comme si on parlait de... Le film de Franju. Le point important dans tout ça, c'est que le concept de greffe n'existait pas jusqu'à... Et le mythe de la greffe n'existait pas jusqu'à il y a un siècle et n'existait pas. Et nous sommes aujourd'hui au centenaire de Marie Shelley. Et donc c'est aussi important de voir que ces mythes, nous les créons avec la science. Merci beaucoup, merci Laurent Lantieri, merci Aram Gazarian, merci Marie Leclinche-Piel d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Céline Lausanne, Hugo Bartholomé, Yves Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure, édition spéciale du Grain à Moudre en direct de la FIAC. Hervé Gardette se demandera si toute œuvre mérite salaire pour les artistes plasticiens. Dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine Rouge comme les règles par Juliette Boutillier et Nathalie Battus. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous essayerons de comprendre à partir de quand les alchimistes ont rangé la pierre philosophale au placard pour perdre leur hâle et devenir simplement ou plus complexement chimiste. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.